Chapitre 5e, la jolie canotière. Delbon, point encore rassasié de la vue superbe qui s'offrait par la fenêtre du studio, laissait errer ce matin-là ses regards sur le paysage lorsqu'il s'étonna. Me tromperais-je? Il alla chercher la jumelle prismatique dont son grand-père lui avait fait cadeau jadis lors de sa sortie de centrale et qu'il avait accompagnée dans toutes ses pérégrinations. Grâce à l'excellent instrument, il identifia les deux hommes qui s'entretenaient face à face au bord du lac, près de l'appontement. L'un était Delphin Gresset, l'autre le sentencieux Bernard. « Tiens, tiens, mes gaillards se connaissent », constata simplement Delbon. Rien d'extraordinaire au surplus à cet échange de paroles entre gens d'un même pays. Néanmoins, Henri, malgré lui, prêtait à cette rencontre banale un sens nettement défavorable. Lequel? Pourquoi? L'ingénieur n'eût su répondre précisément. Mais dans son fort intérieur, il n'était pas moins taquiné par un obscur pressentiment. Dès que Bernard fut de retour, il prit son chapeau pour sortir, non sans prévenir le domestique. « Un tour sur le lac. Je verrai s'il s'y trouve du gibier d'eau. » Puis un brûle-pourpoint, il lança. « Alors, Delphin Gresset, de tes amis, paraît-il » Bernard répondit. « Un ami, c'est bientôt dit. Monsieur lui-même, ne connaît-il pas le bonhomme ?» Delbon précisa. « Pas pareil. » Le hasard l'a mis récemment sur ma route, tandis qu'il a l'air d'être depuis longtemps sur la tienne. Bernard répliqua. Qui salue un passant n'est pas toujours son parent. Gresset est le gardien des villas. L'hiver a un quasi-voisin. Quand on se voit, c'est encore le cas de dire bonjour au matin, adieu, enfin, chacun suit son train. En tout cas, songea Delbon, cette réserve ne t'empêche pas de l'entretenir avec animation. Mais il n'insista pas, coupa court à la conversation, et n'oubliant pas cette fois la clé du cadenas, se rendit au bord du lac. Pour se détendre l'esprit et les muscles, il sauta dans l'embarcation et, par rapide coup d'aviron, s'éloigna de la rive boisée. Il faisait très beau ce jour-là. Si au cours d'une nuit précédente, les rames de son apparition semblaient remuer l'argent liquide, les siennes brassaient l'or en fusion. Extraordinairement allègre, chantant refrain à la mode, il toucha la rive opposée et y amarra son canot près d'une autre embarcation qu'il admira en connaisseur. Baptisée Mouette, en lettres blanches sur fond vert, carène allongée, poids minci et élégante, coquette, toute de frais vernis avec ses avirons légers, elle n'avait point été construite pour obéir à la force, mais à la souplesse d'une femme. Il n'était certainement pas besoin de muscles entraînés par le sport pour la faire voler sur le lac. Fort naturellement, Delbon évoqua l'apparition féerique de la nuit précédente, espéra même qu'il aurait l'occasion de la contempler de plus près, et de se rendre compte si elle ne perdait pas son charme en pleine lumière du jour. N'y aurait-il pas des désirs assez forts pour entraîner d'eux-mêmes leur réalisation? Un pas léger, bientôt hésitant. Delbon se retourna et aperçut la jeune fille qu'il avait vue s'enfoncer le matin, en compagnie de l'instituteur, dans l'ombre de la petite chapelle. Elle était rose, animée toute par une marche rapide. Ses yeux riaient à la promesse de la bonne partie prochaine. Une ceinture de cuir jaune s'élargissait sur sa jupe blanche et les boucles rebelles de sa chevelure échappaient, un peu folle, à l'emprisonnement du feutre posé avec un je ne sais quoi de narquois, de tantinet impertinent. Les choses, à notre contact constant, ne s'imprègnent-elles pas, parfois, de notre personnalité, à la révéler indiscrètement. Elle tenait une flexible branche d'osier décortiquée dont, désinvolte, d'un geste nerveux et gracieux, elle fouetta l'air. Puis, sans être intimidée par la présence de Delbon, qui l'avait salué et s'était un peu éloigné, sans se décider à se retirer tout à fait, elle s'appliqua à dénouer la corde qui retenait le frêle esquif. Elle se dépitait visiblement de rencontrer une résistance qui ne réussissait pas à vaincre l'extrémité de ses ongles fragiles, et ses quenottes impatientes pinçaient ses lèvres. Galamment, enchanté d'un prétexte à entamer la conversation, l'ingénieur offrit son aide. « Voulez-vous me permettre, mademoiselle ?» Nos vilaines pattes d'homme sont mieux préparées à de pareilles besognes. » Elle consentit d'un ton enjoué. « Ah, monsieur, ces vilaines pattes, comme vous dites, s'annoncent tellement secourables que j'aurais mauvaise grâce à ne pas reconnaître la supériorité masculine, tout au moins sur ce point. » Avant que de parler à la jolie canotière, Delbon avait retiré sa pipe d'entre ses dents. Pour défaire ce nœud aussi compliqué que le cœur d'une jolie femme, il la remit machinalement dans sa position naturelle. Avait-elle mauvais caractère? Conservait-elle quelque dépit d'avoir été délaissée pendant 5 minutes? Voilà qu'elle s'évadait et tombait à l'eau, peut-être pour y noyer sa peine. Elle avait été culottée avec un soin méritoire. de laborieuses, méthodiques et lentes aspirations avaient donné un coloris d'ambre blond à son tuyau de simple terre. On conçoit que Delbon fut désolé de perdre un pareil trésor. Il estima que la charité n'est pas toujours récompensée, et fit une grimace comique. La jeune fille en perdit son sérieux et éclata de rire. Oh, ce rire! Delbon l'avait déjà entendu dans la clarté douce d'une nuit lunaire. L'aimable personne se moquait un peu. « Je suis désolé d'avoir été la cause même indirecte d'un pareil drame. Je me rends si bien compte de sa gravité que je n'ose point offrir de la réparer. Ce serait impossible. » Delbon répliqua avec assez d'à-propos. « Je vois trop combien vous êtes chagriné. Et je ne me pardonnerai jamais de faire pleurer de si beaux yeux. » Après un silence, il ajouta d'un ton qu'il affecta de rendre pénétré. « Méditons donc sur cette image de la vie. On se démène, on espère, on se désole et on casse sa pipe. » La jeune fille rit encore. « Mais je ne l'ai pas cassée, votre pipe. Elle est à l'humidité. Rien de meilleur pour le tabac que d'être au frais. » L'ingénieur saisit l'occasion. « Au frais, comme moi, ce matin, quand j'ai eu l'honneur de faire votre connaissance, sans vous être présenté. » Imaginez-vous que, pas loin d'ici, alors que je me dissimulais à l'ombre d'un pin, comme un malfaiteur, j'ai aperçu, par-dessus un mur, heureusement peu élevé, une jeune personne agréable qui vous ressemblait comme une sœur. La jeune fille interrompit. « Vous aimez la littérature ?» L'ingénieur s'étonna. « Pourquoi ?» La jeune fille rit de nouveau. « Pourquoi ?» Parce que vous employez des tours et des détours sans fin pour me dire cette chose bien simple, votre visage m'est déjà connu. Je ne puis vous répliquer que la réciproque est vraie, mais je suis toute prête à ajouter, hélas, pour ménager un peu votre petite vanité. » Elle insista. Vous comprenez, j'étais beaucoup trop occupé pour observer autour de moi. Je m'appliquais à repasser une règle sur le pluriel des noms composés qu'on m'avait appris en classe. Et décidée à s'amuser, elle récita en annonçant. Dans les noms composés d'un mot étranger, d'un substantif, ce dernier, seul, prend la marque du pluriel. Exemple, des électro-aimants, des gallo-romains, des anglo-saxons, des tragicomédies. Delbon songea. Sera-t-elle encore élève chez Madame Leroy? Ne me l'indique-t-elle pas sous forme plaisante? Cependant, elle a dispersé sa bande de soi-disant condisciples avec une étrange autorité. Cédant à ce mouvement humain de vanité qui nous pousse à ne point paraître dupes, même d'une boutade, il lança. Vous vous moquez. » Et il ajouta fâcheusement. « Vous n'étiez pas tellement distrait par le soin de votre grammaire que vous n'aviez point remarqué l'instituteur de Maubuisson. Vous y mettiez assez de verbes. » Cette remarque intempestive coupa court à l'entretien. La jeune fille déclara. « Vous me rappelez là, monsieur, que je n'ai point encore passé l'âge où l'on ne peut se compromettre. Merci donc de votre concours. Je vous tire ma révérence. Bonsoir. Et que votre grandeur vous attache encore au rivage. Je n'ai nul besoin d'escorte. » Touché, apprécia Delbon, en la regardant s'éloigner à force de rames, un peu penaud.